La brume s'élève doucement des champs. Le soleil perce de ses rayons étincelants. Dernière journée d'été. Dernier cri d'enfants amusés. Après quand le soleil ira se coucher, restaurons nos souvenirs qui tout doucement vont s'évanouir. Seuls les meilleurs vont rester. Nous serons contents. Nous pourrons nous retrouver après cette année passée. On s'est à peine regardé. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Prendre à nouveau du plaisir. S'asseoir ensemble, écouter ce qu'on n'a pas pu se dire. Tout ce qui nous a échappé. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Malheureusement, nous en sommes pas là. Et c'est plutôt le contraire. La fin de l'été sonne le glas comme un mauvais anniversaire. Morale à plat et batterie plate. Nos corps blanchis sans soleil, comme une armée d'automates pour gagner de l'oseille. Nous serons contents. Nous pourrons nous retrouver après cette année passée. On s'est à peine regardé. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Prendre à nouveau du plaisir. S'asseoir ensemble, écouter ce qu'on n'a pas su se dire, tout ce qui nous a échappé. Nous serons contents, nous pourrons nous retrouver après cette année passée. On s'est à peine regardé. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps.